Et enfin, au Madagascar, le gouvernement vient d'autoriser à nouveau la population à aller travailler à l'étranger. Des cas de maltraitance, de torture ou de viol de femmes de ménage malgaches avaient été rapportés ces dernières années dans les pays du Golfe Persique ou encore au Liban. Notamment, une trentaine de morts avaient même été recensées. Pour mettre plutôt un terme à ces drames, l'État avait décidé d'arrêter totalement l'envoi des travailleurs en 2013. Bien qu'interdire la migration vers ces pays dits à risque continue souvent par des voies détournées comme Maurice, la Réunion ou encore l'Afrique de l'Est, il y aurait là-bas actuellement environ de 7000 femmes de ménage malgaches. Voilà, c'est par ici que se clore ce journal. Merci à vous qui avez choisi Sanganilo. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Médard Niohuru. Excellente soirée à toutes et à tous.